Il y a actuellement sur les ondes de choix un message publicitaire payé par le gouvernement du Québec que j'ai entendu dans, comment il s'appelle le gars avant moi, live là? Moret Live. Et dans Moret Live, j'ai entendu tantôt une annonce du gouvernement du Québec qui nous dit, je ne sais pas si on pourrait le retrouver tantôt, là, Martine est au téléphone, mais c'est une annonce qui dit que le virus du Nil est de retour en ville. Ah ouais? Puis si la mouche a le virus du Nil, toi tu veux pas pogner le virus du Nil, fait que autrement dit, ils disent de pas la tuer, mais d'utiliser du chasse-moustique, t'habiller en long, pastel. Mais pourquoi tu peux pas la tuer? Ouais. Ben parce que si, mettons, elle est en train de te piquer, ben tu vas te contracter toi-même le virus du Nil. Ça, c'est des maringouins, hein, c'est ça? Ben je sais pas. Écoute, je trouve ça tellement ridicule. Ben, moi, parce que si c'est sérieux, là. OK, écoute, c'est un revenu pour nous autres, puis si il venait qu'à arrêter ou interrompre la campagne publicitaire qu'ils ont sur les zones ici, c'est sûr que les boss vont vouloir m'arracher la tête. C'est pas ça que je veux. J'essaie juste de comprendre, comme quelqu'un d'intelligent, de dire, si vous payez des annonces radio pour me dire que je peux pogner le virus du Nil, ben, pourriez-vous m'en dire un peu plus? Comment ça se pogne? Puis c'est-tu vraiment... Là, êtes-vous en train là, de justifier des jobs parce que vous vous pognez le cul à l'année longue au ministère de la Santé ou bien parce qu'il y a vraiment de quoi? Parce que s'il y a de quoi, moi, dire à mon petit gars de 6 ans qui reste à Limoilou d'arrêter de tuer maringouins quand il se fait piquer, puis est-ce qu'il y a tant de maringouins en ville? Puis s'il y a beaucoup de maringouins en ville, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont contracté le virus du Nil? Je trouve ça totalement ridicule. Je sais pas, Martine, c'est peut-être la chose la plus facile. Retourne, je me suis levé à quelle heure matin? Je me suis levé, il était pas loin de 11 heures. Ben. Ça a peut-être passé dans Moret Live. Des fois, si on peut revenir dans le log, je sais pas, là. Regarde, Steph, je viens de trouver un article sur Canoë qui date de 5 jours. Donc, c'est quand même récent, là. Je l'ai pas lu encore, le journal, là. C'est ça. Les autorités confirment que des moustiques capturés cet été sur l'île de Montréal étaient porteurs du virus du Nil occidental. Ouvrez les guillemets. C'est très faible, a toutefois précisé Richard Trudel, responsable du service d'entomologie de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies. Une trentaine de moustiques sur la totalité des relevés effectués étaient contaminés et aucun cas humain du virus du Nil occidental n'a été répertorié pour la région de Montréal. Mais non, là, on parle juste de Montréal, par contre. Ils n'ont pas trouvé de maringouins infectés à Québec. Non, mais ils ont trouvé deux oiseaux infectés dans tout le Québec jusqu'à maintenant. Bon, OK. Est-ce que ce que vous venez de lire, là, tout en restant très calme, mérite un investissement, pas l'investissement qu'ils ont payé à choix pour diffuser cette pub-là. Est-ce que ça mérite, pense à ça, créer combien d'argent ils ont versé à cette agence, à une agence, pour créer la publicité? Parce que l'annonce, elle est drôle. Ouais. Elle est quand même drôle. Vous allez voir, c'est, ça rapporte une genre de comptine d'enfant, des fois, que l'on entend. Mais, donc, il y a quelqu'un qui a une idée de génie, tout ça. Puis ça coûte cher, créer des affaires comme ça. Puis là, moi, j'essaie juste de parler comme, tu sais, là, vous vous vantez de vos autocollants écœurés de payer. Comment vous pouvez me justifier une dépense aussi importante pour deux oiseaux morts au Québec, 30 maringouins à Montréal, qui ont peut-être eu des relations entre eux autres, puis c'est pour ça qu'il est à 30. Tu sais. En 2012, il y a plus de 120 personnes qui ont contracté le virus. Puis il y en a trois qui en sont décédés. Ça, l'année passée. Québec? Ouais. Ouais, mais comment puis où? Je sais pas. Que si c'est sérieux, si nos vies sont en danger, battance, dites-nous-le. Tu sais, mais si là, tu sais, là, actuellement, de ce que Mal vient de nous raconter, aucun cas humain n'a été dépisté. C'est ce que j'ai bien entendu. Cette année sur l'île de Montréal, ouais. Ouais, sur l'île de Montréal, tu sais. Bon, fait que je sais pas. J'aimerais bien ça des fois que on se concentre sur les choses importantes. Parce que les deux corbeaux morts, ben... Parce que là, est-ce que si vous avez un maringouin sur vous après-midi, là, le tuez-vous? D'après toi? Ben moi, d'après moi, je vais le faire, là, toi, Mal. Ben oui. Martine? Mettons, c'est un maringouin sur toi, là, après-midi. Ben, je le débarrasse, même si je sais qu'il vient du Nil ou pas, là. OK. Qu'il vient du Nil! Viens là, toi! Est-ce que... ouais. Fait que là, la publicité, là, ils ont mis de l'argent, puis on est quatre ici qu'on va se frapper pareil, là. Ouais. Quand tu tues le maringouin, de toute façon, là, même s'il t'a piqué puis il est plein de sang, tu sais, des fois, on le voit, mais c'est pas grave, c'est la vengeance est tellement douce, hein? Me semble. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis sur le portail Santé Mieux-Aide du gouvernement du Québec. Okay. OK, avec la page qui décrit le virus du Nil occidental. Wow. OK. Bon, il se transmet par la piqûre d'un moustique infecté, peut être contracté au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs autres régions du monde, présent au Québec depuis 2002, particulièrement dans les régions du sud-ouest de la province, ce qui justifie peut-être pourquoi qu'on en a trouvé à Montréal un peu plus. Symptômes. Bon, les symptômes d'infection par le virus du Nil occidental les plus fréquents sont maux de tête et fièvre. Donc, c'est assez générique. Eh oui. OK? C'est quasiment toutes les... Toute l'été. C'est ça. Ces symptômes peuvent être accompagnés de douleur musculaire, d'une éruption de boutons et de rougeur. Donc, déjà là, on est un petit peu plus précis, mais il y a un paquet d'affaires qui peuvent causer ça. Quand consulter? Vous devez consulter rapidement un médecin si vous ressentez des maux de tête graves et inhabituels, une forte fièvre, une raideur de la nuque, de la confusion et une faiblesse musculaire. Ça a du bon sens. Là, on commence à préciser un peu plus. Traitement. Il n'existe aucun traitement ni aucun vaccin contre le virus du Nil occidental. Cependant, la plupart des personnes infectées guérissent sans traitement. Ça passe tout seul. T'es fermé, Steph, ton micro fermé. OK, donc ça guérit tout seul, ça passe tout seul, puis il n'y a pas de traitement. Donc, je sais pas, est-ce qu'on l'a-tu trouvé l'annonce? Je voudrais la réécouter. Alors, voici ce que le gouvernement du Québec a décidé de mettre en onde, j'imagine, partout au Québec, pour vous protéger, vous, contre ce virus du Nil qui frappe tellement fort qu'il n'y a personne d'infecté en 2013. Le balcon est en ville au Québec. Le monsieur est sur le balcon, la peau est sur le monsieur. Le moustique est sur la peau, le virus du Nil est dans le moustique. Mais que faut-il faire pour que le virus du Nil qui est dans le moustique, qui est sur le monsieur, qui est sur le balcon, qui est en ville au Québec, ne soit pas attrapé par ce monsieur? Il devrait simplement mettre du chasse-moustique et porter des vêtements longs de couleur claire. Le virus du Nil est en ville. Protégez-vous. Un message du gouvernement du Québec. C'est comme une ITSF avec un moustique, là. Oui, c'est ça. Habillez-vous en pastel. Vous allez avoir l'air un peu fif, mais ça va mais être... Mais tu vas être protégé contre... Tu vas être protégé contre le maringot. C'est un condom à moustique. Mais comme... Le pastel. Comme un condom à moustique, j'aime ça. Le pastel, c'est un comme condom à moustique. Fait que les filles, si vous voulez pas vous faire piquer, habillez-vous en pastel. Je continuais à lire sur le... On est toujours sur le site. Je trouve drôle. Non, terrible. Je continue à lire sur le site, encore une fois, sur le site du gouvernement du Québec, là. Oui. Okay. Moins de 1% des personnes infectées présentent des complications comme. Donc, là, moins de 1% des personnes infectées. On commence à être à pas beaucoup de monde. Mm-hmm. Une maladie grave comme l'encéphalite, c'est-à-dire une inflammation du cerveau. Des problèmes nerveux qui peuvent devenir permanents. Et là, après, on dit dans de rares cas, donc là, on est encore plus rare que le moins de 1%, le virus du Nil occidental peut causer la mort. Bon, j'ai dit qu'on est rendu à on est un peu loin. Je pense qu'il y a d'autres maladies qui méritent peut-être qu'on s'y attende plus. Il y a d'autres, c'est ça. Rendu là, c'est presque le destin, là. Ouais, exact. Puis mettons, tu meurs du virus du Nil, là, puis qu'on est à tes funérailles, puis on braille, là. Oui. On se dit-tu, griffe, s'il y avait eu une campagne du gouvernement, nous l'aurait... T'sais, on se dit pas ça, si là. Si c'était un pastel, le gros, il serait pas mort. Tu sais, ta chemise lit là, bon, c'est beau, ressort là. Elle va la remettre, surtout qu'elle a des manches longues. Alors, c'est ça, c'est j'entendais ça ce matin, puis j'essayais de voir ça, par contre, comme client, si j'étais un client d'une business quelconque, et non pas l'État, je trouve que ce message publicitaire-là a plusieurs points positifs. Il est très brillant. J'aime la variation du ton et le son du moustique. Tu fatiguais? C'est terrible. Hein? Puis, moi, je l'écoutais avec mes écouteurs. Là. Donc, c'est stéréo? C'est stéréo. Ça passe d'un bout à l'autre. J'avais l'impression d'être d'une attraction au IMAX. Là. T'avais vraiment le moustique dans ta calotte. Hein? Terrible. C'est un message qui est très réussi. Par contre, on a de la misère à trouver l'objectif de où on s'en va avec ça. Actuellement. Bon,